أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شيخ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Richesse et une faveur qui Allah vient donner insan. Richesse matérielle, il y a une faveur, et il pourrait s'en faveur qu'Allah fin donne l'insan avec certaines conditions. Sans sa bonne condition-là, sa richesse-là, il n'est plus une faveur, mais il vient un malheur. Première condition, c'est faudrait qu'il richesse qui dit moune fin gagne là, fin gagne li par moyen halal. Faudrait pas qu'il fin servi par moyen comme un loterie, ou bien il fin coquin, ou n'importe quel autre moyen haram encore. Faudrait pas qu'il servi sa bonne moyen là, sinon sa richesse qu'il gagne par sa bonne moyen haram là, il n'est pas venu en faveur, mais il est venu en malheur. Même si nous sommes capables de trouver du monde là aujourd'hui, ça dit monde qui peut servir de moyen haram là. Il peut gagner beaucoup de casse. Dans Tigin l'étang, il peut réussir à rendre sur la case. Il rentre dans sur la case, il y a un sato. Mais, si moyen qu'il vient servir, pour gagner sa la case là, haram, ça veut dire sa richesse qu'il fin gagner là, n'est pas une faveur, n'est un malheur. Une deuxième condition, c'est faudrait que sa richesse, qui si moun la fin gagner, faudrait qu'il peut place li, que Allah fin permette. Li dépense li kout Allah content. Léa la, sa richesse la, li reste en faveur ki sa insan la bénéficie dans dunya et dans akhirat. Comme par exemple, dans hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. كان إنسان مو كان زمون مو سبان أكشن discontinue excepté avec trois qui choses, ça veut dire trois actions qu'il vient faire, il continue une récompense. Excepté trois bonnes actions s'il vient faire, il continue une récompense. Premier, le prophète dit « Illa min sadaqatin jariya » Si ça dit moun là, il finit faire un sadaqa continuel. Veut dire un sadaqa qu'il finit faire, une dépense qu'il finit faire, dit moun peut continuer profiter avec lui. Sa dépense qu'il finit faire là, jusqu'à même après sur la mort, ça dit moun là, les profiter, les tirer profit, les gagner récompense avec sa dépense qu'il vient faire là. Comme par exemple, j'en dis mon Allah fin donne les richesses, une partie là-dedans, il fin tirer pour construire une école, une madrasa. Une partie dans richesse qu'Allah fin donne lui, il fin mettre dans construction une madrasa. Et après, madrasa la fin dibout, Bandimoun peut bénéficier. Avec sa madrasa là, Bandimoun peut tirer beaucoup profit, puis apprendre beaucoup de choses concernant Dîn Allah. Petit, grand, homme, madame, tout peut apprendre quelque chose concernant Dîn dans sa place là, dans sa madrasa là. Sa dimoun qui vient faire sa dépense là, il finit arriver, quitte dunya, il finit aller. Mais ici, sa récompense encore peut continuer à écrire. Pour sa l'argent qu'il finit dépenser dans sa madrasa là, une partie d'en richesse qu'Allah finit donner lui, il finit mettre dans sa madrasa là, il finit quitte dunya, il finit aller. Mais ici, récompense peut continuer à écrire le compte. Allah, chers frères et sœurs, quand un dimoun, quand il place une partie richesse que Allah fin donne lui, get mali capable bénéficier avec sa richesse là, et donc sa richesse là, quand peut servir dans sa façon là, il vient une faveur que Allah fin donne insan. Comme ça même si par exemple, en un endroit que dimoun peut gagner difficulté, beaucoup de difficulté pour se gagner d'ilo. Et dans l'île Maurice, malgré sa quantité pauvre qui finit faire là, mais il y a l'endroit que man, madame besoin ça y est gros tout d'ilo les autres la tête tous les jours parce qu'ils ont peine à faciliter robinet dans autre la cour. Et alors aussi un dimoun Allah fin donne une richesse. Une partie dans sa richesse là, il tire. Il contacte ben des gens qui n'a pas contacté dans le gouvernement. Il dépense une partie sa fortune qu'elle a fin donne lui pour risque ben tio. Pour faire ben des gens gain facilité pour gain dilo. Si disons ça des gens qui fin faire sa dépense là, il fin arriver mort. Ça quantité profit qui ben des gens vivant pour tirer avec Bantio Dilo qui se peut bénéficier, qui sa dimoun la finanze, sa quante récompense la, sa dimoun mou la, li pou gagner. Donc, chers frères et sœurs, nous trouvons une dépense pareille comme ça, qui nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, qu'un dimoun, après sur la mort, comment il est capable de bénéficier avec ce casse. Et surtout, même qui ça applique pour tout insan, pour tout musulman, riche ou bien pauvre, mais seulement ça dit moun qui a la richesse là, li pour plus facile, parce qu'il a la richesse, li pour plus facile, pour tienne partie dans sa richesse, pour faire sa bon travail là. Bon travail qui s'y vient réussir faire, par moyen, sur l'argent, après sur la mort, il y en a beaucoup de choses pour gagner comme récompense auprès d'Allah. Dans le hadith dans Bukhari, rapporté que Sa'ad ibn Ubada, un sahabi, les jeunes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour demander une chose. Il dit, « Ya Rasulallah, إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. أو مساجد الله. ماما فين مو؟ ليلي فين مو؟ متي أبسان دي بي دان لا كاز مو باتي لا. أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ إسكي سي مو في لا شاريتي avec كيت سوز. إسكي سا بو بروفيت مو ماما؟ Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jali, naam. Prophète jali, oui. Oui, si tu dépenses, tu fais une sadaqa pour ton maman qui fait une mort, sa sadaqa là, profite-li. Et alors, sahabi Sa'd ibn Ubada lui dit, fa inni ushiduka anna ha'itil al-mikhraf sadaqatun alayha. Alors, je prends vous comme témoin, il y a Rasulallah qui, mon verger, qui produit beaucoup de fruits là, sa verger là, je peux donner en sadaqa pour que mon maman gagne. Donc, chers frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître là, get en place que nous capables de mettre nos fortunes, en place que nous capables de dépenser une partie de nos richesses qu'Allah fin de nous, nous dépense-li en façon qui nous-mêmes nous profiter avec lui. Quand nous peut bien place-li, quand nous peut place-li que Allah content, ça veut dire que nous aussi nous gagnons récompense. Et comment ça sahabi là peut dire, il peut dépenser ça pour ce moment. Ça veut dire ce maman aussi vous profitez avec ça. Ce maman aussi vous tire profit avec ça. Sadaqa là, même qui maman là fin qui dunya fin aller. Donc, chers frères et sœurs, si Allah fin de nos richesses, une partie là-dedans, get kot nous capable place li, kot nous maman papa capable bénéficier avec lui, et nous aussi nous bénéficier, parce qu'ici nous peut place li, d'une place kot Allah content, ça veut dire nous n'a récompense pour gagner. Donc si nous maman ou bien nous papa fin quitte sa dunya là ou bien tout l'idée fin quitte dunya fin aller, si Allah fin de nous un peu l'argent, nous tire une partie là-dedans, nous fait sadaqa et nous demande avec Allah que Allah accepte lui et nous demande avec Allah que Allah Ta'ala donne nous maman, donne nous papa sa récompense là. Quand nous pédia sadaqa, il n'y a pas de sadaqa qui n'a pas de faire un sadaqa par 50 sous, bien 25 sous, ou d'un pauvre, alors il peut faire sadaqa. Mais nous trouvons dans ce hadith là, Sa'ad ibn Ubadah, radiallahu anhu, il n'y a pas de soupir des soupirs, mais un verger, il n'y a pas de sagrin pour dépenser, pour faire la plaisir, pour qu'il soit maman dans l'akhirat gagné. Donc nous aussi, chers frères et sœurs, si Allah fin de nous, nous tiennent partie là-dedans. Nous tiennent partie là-dedans pour dépenser, pour faire Allah ta la plaisir. Et nous demandons avec Allah, qu'Allah donne nous maman, nous papa, récompense là. Donc chers frères et sœurs, c'est de l'exemple que ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Que si nous place nous l'argent, nous gagnons Allah ce plaisir, nous gagnons Allah ce récompense. Dans Surah Baqarah, ayat numéro 261, Allah subhanahu wa ta'ala dit: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans cette ayat là, ben des gens qui dépensent du bien dans le chemin Allah, pareil comme un grain, une poussée et fin gagne 7 épis. Dans chaque épi, fin a 100 grains. Chaque épi fin produire 100 grains. Et Allah dit: Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah li augmente pour celui qui lui voulait. C'est-à-dire, par sa comparaison-là, Allah Ta'ala peut faire nous connaître quand un dimoun li dépense fi sabilillah d'un place côté Allah pour content. Quand il fait une dépense, Allah, comment dire, multiplie-li par 700. Allah Ta'ala dit, ça va dire qui dépense là, de dépenser fi sabilillah, ça va dire qui dépense fi sabilillah là, de pas que un grain, ça un grain là fin donne 7 épis et dans chaque épis il y a 100 grains. Ça veut dire en tout l'hiver 700 la grain. Ça montre comment est Allah Ta'ala content quand un dimoun il tient une partie. Ce richesse qu'Allah fin donne lui, une partie l'argent qu'Allah fin donne lui, lui dépenser fi sabilillah pour propager din Allah, pour défendre din Allah, lui place lui dans fi sabilillah, get Allah subhanahu wa ta'ala comme content, lui multiplie lui par 700, c'est-à-dire Allah Ta'ala donne lui sa quantité récompense là. Donc, chers frères et sœurs, Allah est l'exemple que Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, que nous place, nous lasa, nos richesses, d'une façon qui nous-mêmes nous bénéficie avec ça du bien-là, avec ça l'argent-là, avec sa richesse-là. Une troisième condition, Manouti Findier dans le commencement, pour qui sa richesse-là lirait cette faveur d'Allah. Troisième condition, c'est qu'il faudrait pas que sa richesse-là empêche Dimoun-là pour observer droit qui Allah est naloli. Faudrait pas que sa richesse-là empêche Dimoun-là pour faire son devoir vis-à-vis son Créateur. S'il laisse les gens embêter par sa richesse, si sa richesse là empêche pour faire ibadat Allah, et alors sa richesse là n'est pas venue en faveur, mais il vient en malheur. Dans Sourate 63, ayat numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Eben kena iman, n'a pas laissé zot du bien et zot enfants distrait à zot avec zikar Allah. N'a pas laissé zot du bien et zot enfants en paix zot pour penser Allah pour faire ibadat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. N'importe qui s'en là qui fait ça, c'est-à-dire n'importe qui s'en là, qui laisse les gens embêter par ce du bien, laisse les gens embêter par ce bons enfants, et sa bande là détourne avec zikar Allah, sa bande dimoun là, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sa bande perdant ça. Qu'est-ce qu'il y a dimoun? Par ce propre du bien, par ce propre richesse, il y a dans la perte. Quand il finit laisse ça du bien là, quand il finit laisse sa richesse là, détourne-le avec zikr Allah. Quand il finit laisse ça du bien là, il finit laisse sa enfant là, détourne-le avec Allah son zikr. Finit empêche-le pour faire ibadat Allah. Il finit trop occupé avec du bien, avec richesse. Trop beaucoup billets là pour compter, jusqu'à tel point qu'il n'a pas gagné le temps pour faire ibadat Allah. Ça va dire là, sa richesse qu'il peut ramasser là, sa richesse là pour faire des dito ça. Pas faveur ça. Un malheur qu'il peut ramasser. Parce qu'il s'appelle empêcher pour observer droit qui Allah est dans le lit. Un insan, et en particulier un musulman, les bisin adore Allah tous les jours. Les bisin tient les temps. Dans chaque 24 heures temps qu'Allah peut donner pour vivre au salataire là, les bisin peut tient les temps pour adorer Allah. Mais si sa richesse peut empêcher pour observer droit qui Allah est dans le lit, veut dire qu'il peut préparer sa propre destruction. Sa richesse-là n'est pas une faveur pour lui, sa richesse-là est un malheur pour sa qualité du monde. Dans Sourah 9, ayat numéro 34, Allah Ta'ala dit: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ban di moun ki pe ramasse l'eau et l'argent, et zot pa dépense li fi sabilillah dans chemin Allah, donne zot sa nouvelle là. Ki nouvelle? Bi'adhabin alim, en punition dire. Ki ban, sa ban di moun ki pe ramasse fortune dans forme l'eau et l'argent, et pa pe tirer là-dedans pour dépenser pour dîner Allah. Pa pe dépenser pour faire des gens qu'on dîne Allah, pour défendre dîne Allah. Faut-il ne pas ramasser pour jouir. Saban des gens là, pour saban des gens là, Allah Ta'ala dit, donne-nous sa nouvelle là, qu'il y a une punition dire pour eux. Qui punition? Dans l'ayat suivant, ayat numéro 35, Allah dit: Yaouma yuhma alayha fi nari jahannam. Pour un jour, quand pour sauf sa même fortune, l'eau et l'argent, pour souffler dans différents jahannam. pour souffler dans le feu de Jahannam. Et après, فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Et pour brûler Saban Dimoun là, avec Saban l'eau et l'argent qui fin sauvé dans le feu de Jahannam là, pour brûler Saban Dimoun là, zot front, zot côte et zot lido avec sa même l'eau, l'argent qui fin sauvé dans le feu de Jahannam. Et après qui vous dit à Zot, Hada ma kanaztum li anfusikum fadouku ma kuntum taknizoun. Elle est pour briller Zot avec sa ban l'eau, l'argent que je finis ramasser dans sa dunya là et pas ne dépenser que de besoin dépenser. Pour dire à Zot, Allah sa qui je finis ramasser pour Zot même, alors goutte sa qui je finis ramasser. C'est une parole qui pour faire sa bande d'imoun là regretter beaucoup. Mais seulement, les autres pour regretter papa avance n'anye, parce qu'ils ont pour mérite punition. Et je tena pour souffrir, parce qu'il ont salaté là, je fin ramasse richesse, mais pas fin place li kote bizin placé. Et alors, sa richesse là, li vine un malheur pour sa insan. Une quatrième condition, moi, nous devons dire, si sa richesse-là empêche Dimoun-là pour observer droit qu'il y en a dans les autres Dimoun. Si sa richesse-là fait Dimoun qui possède lui, fait dominer avec les autres, sa richesse-là, donc, il y a une faveur, il y a une malheur. Dans un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui celui qui Allah fin donne du bien et après ça li partie zakat ça du bien là au qiyamah pour vin un serpent et ça serpent là pour envelopper dans son licou ça serpent là li pas attrape ça dimoun là sous la mâchoire et après li pour dire dimoun là ana maluk Ana Kanzouk, moi-même tout du bien, moi-même tout trésor. Chers frères et sœurs, ces paroles prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité qui le prophète peut faire nous connaître. Si nous n'avons doute de la parole prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui nous tendait, nous pas pour profiter. Allah Ta'ala qui vient inspirer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous la vérité comme manière sa dimoun là pour souffrir au qiyamah. Sa dimoun qui Allah fin donné du bien mais seulement il pas fin conserver lui, il pas fin place lui comme besoin placer. Sa du bien là pour venir un serpent pour envelopper dans lui comme ça insan là au qiyamah. Ça c'est une vérité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître. Même si dimoun là aujourd'hui il peut jouir sa richesse là, il ne croit pas dans sa parole-là, il ne parle souffrir au Qiyamah. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous la vérité. Ça c'est pas là pour dire avec sa insan là, Ana maluk, ana kanzuk, moi-même tout du bien, moi-même tout trésor. Donc, qui qualité sa insan là pour regretter au Qiyamah? Même quand on trouve sa insan là, on dit la terre. Il peut rester au troisième étage, dès l'auto il y en a. Il peut faire le tout dunia, si tu as un paquet casse. Mais sa casse qu'il peut ramasser dans sa façon là, sa casse, sa richesse qu'il finit gain dans sa façon là, et il peut pas de plastique ou de bien placé, ça pas une faveur ça. Un musibat ça, un malheur pour sa insan là. Et ça dit moun là, lui-même, lui pour regretter beaucoup, zou qiyamah. Donc, chers frères et sœurs, nous trouvons que ma richesse est capable d'une faveur qu'Allah donne une san et il est capable d'une malheur. Mais si un dit moun, ben dit moun qui fin gain richesse, pas ben moyen halal, et zout pèse vili, dans place qu'Allah content, vraiment, c'est une belle faveur qui Allah fin fellow insan. Da hadith muslim rapporte, kien fwa, en gubban pov, pamiban sahaba, fin vin kut Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zujia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم زجي يا رسول الله بن كنا غيشس زو فين بران تو بن غاد بن غان غان غاد أبري دالله زو تيم فين غين بن فاوير رسول الله صلى الله عليه وسلم دي من زو تسبيكاشون وما ذاك كي زو بيان في دير قالوا بن لا دير Yusalluna kama nusalli. Saban frère, qui est la richesse là, je fais namaz, pareil que nous faisons namaz. Wa yasumuna kama nasum. Je garde rosa, pareil que nous garde rosa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Mais seulement, ben là, je fais sadaqa. Veillez, je t'en casse. Je fais sadaqa et nous ne sommes pas capables. Nous payons. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقْ Et ben là, ça va un frère qui a casse là, ça va un frère qui a richesse là. Vous êtes libérés d'un esclave, et nous ne sommes pas capables de libérer d'un esclave. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْجَزُدْ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم est-ce qu'il m'a pas montré autant qu'il se comme ça qui si j'ai fait li je pouvais pareil avec ban dimoun qui vient précéder zot d'en faire ban bon action et je pouvais ban dimoun qui vient après zot et ben personne qui pour pli bon qu'ils autres les autres faire ça qui m'ont montré les autres excepté ban di moun qui pour faire pareil que moi autres faire lela ban sahaba le fin dire bala ya rasoul allah mais oui ya rasoul allah montre nous ça qui chose là lela rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire après chaque namaz c'est-à-dire chaque namaz faraz Dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et dans certains hadiths, il y en a 34 fois Allahu Akbar. Et dans d'autres hadiths, il y en a qui dit 33 fois Allahu Akbar. Et après, pour faire tout Vincent, dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alors dans sa façon là, tout bouvine sans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montre tout ça. Ben là fin content. Sa ben sahaba pauvre là fin content. Parce qu'il prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin montre tout. Pour faire sa bonne tasbih là, et par ça, je grade pour une haute devant Allah. Je suis bien content. Je suis allé. Mais après un certain temps, après un moment, ben là, je retourne avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, Ya Rasulullah, nous bons frères qui ont la richesse là, nous bons frères qui ont du bien là, je suis entendu qui nous peut faire, et je suis aussi fin faire pareil. يلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سا الله سفزل سا الله سفافير سا لدن سفافير سا كي ليولي شيء فرأي سير جت بن صحابة بن صحابة كي تي بوسيدي بن صحابة كي تي ريش زوت ريشيس باتي ان بيزوت Pour faire zikar Allah, pour penser Allah, pour faire ibadat Allah, jusqu'à même après namaz faraz. Vous êtes fait un tasbih. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer. Zot richesse pas fin occupe zot pour faire zot perdit. Sa quant est récompense là. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer dans sa hadith là. Quand dimoun y fait un tasbih là, get qui quant est récompense li gagne. Mais richesse pas fin en pisse ban sahaba pour faire ibadat Allah. Pour rapprocher avec Allah, pour faire beaucoup ibadat Allah. Donc, chers frères et sœurs, si Allah finit de nous richesse, il ne faudrait pas que sa richesse-là y occupe nous les temps, jusqu'à tel point qu'il nous fait aziz ban faraz, faraz, faraz. Nous néglige ban sunnat et nous néglige ban nafil. Il ne faudrait pas aller comme ça. Sinon, sa richesse-là, doucement, doucement, il est capable de venir une fitna pour nous. Allah même qui nous fait nous connaître dans le Coran, qui richesse, il est une fitna. Qui veut dire fitna? Fitna, c'est une petite chose qui est dans sa dunya là, qui est capable de détourner un dimoun avec ce din. Fitna, c'est une petite chose qui est dans sa dunya là qui est capable de détourner un dimoun avec ce dîme. Et dans sa dunya là, il y a un paquet de fitna. Les enfants capables viennent une fitna pour dimoun. Madame capable viennent une fitna pour dimoun. Du bien aussi capable viennent une fitna pour dimoun. Fitna, c'est une petite chose qui est dans sa dunya là qui est capable de détourner un dimoun avec ce dîme. Fitna veut dire un qui saute dans sa dunya là qui est capable de faire un dimoun désintéressé avec din islam, ça même dimoun qui avant ça il était bien intéressé avec islam, il était bien content d'in Allah, mais les fitna fin faire fracas dans sur la vie, il n'est plus intéressé avec l'islam, il dégoûte l'islam jusqu'à tel point qu'il a admis culture ban kafir, ça appelle fitna. Fitna, ben quelque chose qui est dans sa dunya là, qui est capable de tirer un dimoun depuis dans Sirat al-Mustaqim, chemin droit, pour zetli dans Sirat al-Jahim, chemin l'enfer. C'est Allah même qui avertit nous contre fitna, richesse. Dans Surah 8, ayat numéro 28, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa'alamu anna amwalakum wa awladakum fitna. Allah peut dire, connais qu'ils ont du bien et les autres enfants li en fitna. C'est Allah qui peut avertir nous contre du bien et les enfants, chers frères et sœurs. Allah connaît très bien qui quand c'était dimoun pas fin capable résister fitna richesse. Et il peut avertir Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais attention avec sa fitna là. Et dans le hadith Bukhari, rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un dua, un long dua, nous prend une partie dans sa dua là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Wa a'udhu bika min fitnatil ghina. Oh Allah, Moses, protection avec toi contre fitna richesse. Oh Allah, Moses, protection avec toi contre fitna richesse. Richesse là, il y a une fitna ça. Veut dire qu'il y a un dimoun capable de détourner avec l'obéissance à Allah par richesse. Et alors, Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peut avertir nous contre fitna de richesse parce qu'il y a un paquet de dimoun fin gagnant embêté par richesse, un paquet de monde final vivent dans désobéissance à Allah avec cette richesse, et sa richesse là donc fin vient un malheur pour eux et non pas une faveur. Le hadith Bukhari rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire: Fawallahi mal faqra akhsha alaykum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait assez mal au nom Allah, et après lui dire: c'est pas la pauvreté qui m'a fait pour autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui tient beaucoup raham pour ce ummat, il fin averti ce ummat avec ben danger. Ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, m'a fait assez mal au nom Allah. Et m'a fait dire aux autres qui, c'est pas la pauvreté qui m'a fait pour autres. C'est-à-dire, m'a fait peur qu'ils ont pour une pauvre, et après ça, ils ont pour qu'ils dînent. ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا mais ça qui mauvais père pour zot mon père panga sa dunya la vin en quantité avec zot kama busitat ala man kana qablakum pareil comme sa dunya la fin vin en quantité avec ban qui avant zot fatanafasuha kama tanafasuha et alors qui peut arriver zot pour faire compétition dans sa dunya là, pour gagner beaucoup de choses dans sa dunya là, pour faire compétition, pareil comme Aban avant zot, tu fais compétition, et après que le danger là était, wa tulhiyakum kama alhathum. Et sa dunya là, il peut détourner zot, pareil comme sa dunya là, fin détourne sa ban qui avant zot là. Alors, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire richesse pour ce ummat, panga sa ummat là, gagne embêté par richesse, et alors il néglige sa dîne là. Panga sa ummat là, il est aveuglé par une richesse matérielle qu'il a dans sa dunya là, et il tombe dans désobéissance à Allah, il néglige ce devoir envers ce créateur, il ne prend pas compte dîne Allah, et il a la même sa dîne là, sa ummat là, il peut dans ce désavantage s'il fin laisse richesse dominer dans sa façon là. Richesse, chers frères et sœurs, vraiment, comme Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, il y a un bel danger, il y a une belle fitna. Dans Surah 34, ayat numéro 34, Allah ta'ala dit Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutarafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ce ayat là, chers frères et sœurs, il n'est pas suffit nous écouter cette traduction. Mais nos besoins réfléchis, le sa vérité qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, une vérité qu'il tirait vrai tout le temps, dans le passé et à ce là aussi. Allah peut dire dans sa ayat là, nous pas finir en voie dans quitte l'endroit, quitte avertisseur, excepté qui banne d'imoun, qui tu peux vivre la vie luxe, sa même banne d'imoun, qui tu finis dire, nous pas pour accepter message qu'ils ont fini amener. C'est-à-dire, Allah Ta'ala peut faire nous connaître qui tout le temps dans le passé, n'importe qui côté Allah fin envoie un messager, un prophète, pour inviter Dimoun vers l'obéissance à Allah, pour inviter Dimoun vers Dîn Allah, tout le temps tient à sa classe Dimoun, une classe Dimoun qui t'y objecté. Une classe du monde qui n'est pas content pour accepter ce qui prophète en Saint-Zot. Qui sa classe du monde là, ça? Ça, ban mutarafoun. Le Coran appelle Zot ban mutarafoun, c'est-à-dire ban qui vivent la vie luxe. Ça, même qui appelle ban qui est la richesse, ban qui est la fortune. Ça, même ban qui n'est pas content pour vivre dans Dîn Allah tout le temps dans le passé. Donc, ça veut dire, chers frères et sœurs, qui sa richesse là, il y a un bel danger. Sa richesse là, un bel fitna. Nous avons besoin de mandat avec Allah. Que si Allah finit de nous sa richesse là, par bon moyen halal, que Allah ta'ala aide nous pour placer lui, que Allah content. Afin que sa richesse là, lui vienne une faveur d'Allah, lui vienne une grande faveur d'Allah, qui nous profite avec sa faveur là, dans dunya et dans akhirat. Dans un hadith dans Bukhari, رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء مفين جد جنت ومفين تروف بلي بكوس بان أبتان بان فقراء بان بوف toujours chers frères et sœurs nous rappelons nous-mêmes parole prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم nous besoin croire comme un prophète fin dit nous Sinon, nous pas pour profiter avec sa vérité qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaît là. Allah subhanahu wa ta'ala il fin montrer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te saut dans jannat comme il fin montrer lui qui te saut dans jahannam. Sa même prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître quelque chose qu'il fin trouver qui Allah fin montrer lui. Et alors il peut dire mon fin get dans jannat, mon fin trouver dans jannat qui plie beaucoup ce ban habitant, ce ban pauvre. Ce qui veut dire, chers frères et sœurs, richesse qui ban dimoun fin gain l'eau, sa la terre là, plie beaucoup, fin gain habité par sa richesse là, plie beaucoup parmi sa ban qui fin gain richesse là fin vinen maléa pour zot. Gait bien dans ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dire, qui tout habitant, Jannat, c'est ban pauvre. Tout ban riche parle dans l'enfer. Non, il peut dire, plus beaucoup habitants Jannat, c'est ban pauvre. Ça veut dire, pour un ban capitaliste aussi, pour un ban dimoun qui est riche aussi dans Jannat, ban qui, je fin gain faveur d'Allah, je fin conservé faveur d'Allah, je pas fin les autres gain embêté par sa faveur qu'Allah fin donne zot là, je plie Allah fin donne zot, plus je fin adore Allah, plus je fin remercie Allah. Ça ban dimoun là, ça va dire qui fin gain sa richesse là, je fin conserver sa richesse là, et alors sa richesse là, ça fin une faveur pour eux. Donc, dans le jannat, pour un aziz pauvre, pour un ban riche aussi, qui fin bien servi Allah sous faveur, qui fin bien servi ban richesse qu'Allah fin donne eux, fin place li côte Allah fin montré, et alors sa ban riche là aussi, Inch'Allah sa ban là aussi, eux pour dans le jannat. Mais seulement, une vérité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître ici, c'est plus beaucoup habitants Jannat, c'est ban pauvre. Une autre condition encore, pour qui richesse qu'en dimoun fin gagné, li reste une faveur et li pas vine un malheur pour dimoun là. Faudrait pas que dimoun là, servi richesse là pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala et ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faudrait pas que dimoun là, acheter ban kit chose qui Allah et ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin difan. Pour qui sa richesse là, li pas vinen maléa pour sa dimoun là, faudrait pas qu'il dimoun là, pour faire plaisir à certains dimoun qui li content, li acheter ban manze bord et l'habillement qui Allah et ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin difan. Sinon, sa dimoun là, li pour mérite punition d'Allah. Comme ça même, faudrait pas qu'il sa dimoun là, avec ce lazan, il y a cette ban distraction qui pour faire les mêmes dito, ban distraction qui pour empêcher de faire ce devoir comme un musulman envers son créateur. Ban distraction qui pour empêcher de faire ibadat Allah. Ban distraction qui pour empêcher de faire namaz, faire zikar Allah, etc. Dans un hadith dans Bukhari, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin prédire « La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal-harir wal-khamr wal-ma'azif » Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Certainement, pour une depuis dans mon ummat, un ban dimoun qui vous considère comme halal, comme permissible. » Et après ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne quatre petites choses. Mais nous besoin comprendre avant tout qu'il est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il sa ban dimoun là pour considérer comme halal, ban petites choses qu'il mentionne après, ça veut dire qu'il sa ban petites choses là, les haram. Ça va une petite chose qu'il peut mentionner après là, les haram. Mais il peut prédire qu'il dans son ummat, pour une bande de monde qui peut considérer sa même petite chose qui est haram là, je peux considérer lui comme halal. Un de ces quatre petites choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin cité là, al-ma'azif, c'est-à-dire un instrument de musique. Ça veut dire qui dans sa ummat là, pour un طامیمان جمون کی فین جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوینا پامیمان لا کی پاپا اکسپتے کی سامان انسٹرومن موزیکال لا لی حرام. سا سیت ان پریدکشن پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Donc, chers frères et sœurs, ça va un instrument musical là, connaît qu'il est haram, les haram pour fabriquer, les haram pour acheter, les haram pour jouer, les haram pour écouter ce banson et faire bandimoun écoute ce banson. Mais guette bien comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, pour y'en a dans ce ummat, ban qui pour considérer sa instrument de musique là comme halal, veut dire que je ne peux pas accepter qu'il soit haram. Chers frères et sœurs, les aux enfants fin parce qu'ils ont l'examen, n'a pas choisi un instrument musical pour donner en cadeau. Donner une autre petite chose en cadeau, il y en a beaucoup de choses qui sont données, qui sont halal. Dans l'occasion de mariage ou n'importe qui les autres occasions, jamais n'a pas offert quelqu'un quitte instrument musical comme cadeau. Parce que l'argent qui vous dépensez pour acheter ce bon instrument-là, c'est un argent qui peut mal servir. Et dix mouns qui peut mal servir cet argent-là, il mérite punition d'Allah. Non seulement pas gain droit, servir richesse qui Allah finit donner pour désobéir à Allah, mais aussi pas gain droit, servir sa richesse-là pour faire les autres dix mouns désobéir à Allah. Faudrait pas un dimoun qui finit gagner sa richesse là, lui ouvrir l'esprit les autres dimoun comment y est pour déplaire Allah avec richesse. Sinon, lui vient un plus bel malheur. Dans un hadith d'un muslim, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha وَلَا يَنْقُسُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, celui qui introduit dans l'islam une mauvaise pratique et sa action-là pratiquée après cela mort, pour écrire le second péché ban dimoun qui pratique li sans qu'il ban la zot péché diminuer. Comprends ça bien, chers frères et sœurs. Comment li grave si un dimoun lui montrer les autres comment il a besoin de désobéir à Allah. Avec sa richesse, ou n'importe quelle façon, s'il montre à quelqu'un comment il a besoin de désobéir à Allah, il y a une quantité de punition qu'il peut gagner dans l'akhirat. Il y a une grave pour sa dîmoun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa hadith là, celui qui introduit dans l'islam une mauvaise pratique, et sa action-là, pratiquée après cela mort, c'est-à-dire, ben, dimoun, pratique sa mauvaise action-là, pour écrire le second péché, ben, dimoun, qui fait une pratique li, sans qu'il ben, là, les autres péchés diminuent. Si, par exemple, dans la famille, fin, il y a beaucoup de mariages. C'est fin marié, neveu, nièce, fin marié, et jamais fin, il y a un groupe d'hommes, fin, minzoué la musique. Ni dans la case, ni dans la salle. Ni fin, il y a qui dimoun, qui fin, min filmer, ban invité, surtout ban madame. Arrivé, les finis dans le mariage, nous enfants ou bien nous sœurs, nous payons ben la musique pour venir faire tapas, et finalement 10 mounes pour filmer, et comment vous connaissez, pour faire tout cela, besoin de 3000 roupies. Et là, nous finis faire mariage dans sa façon-là, après, les cousins ou bien Kala ou bien n'importe qui s'en a de la famille fin trouve bon sa façon qui nous fin faire mariage là et arrivé eux autres aussi eux autres faire pareil eux autres dépensent une partie eux autres richesses tout pareil quand c'était péché qui s'abandonne du monde qui fin imite nous la gagner nous pour gagner eux autres tous eux autres péchés mettre ensemble parce que c'est nous dans la famille qui fin faire un commencement dans façon désobéir à Allah. C'est nous, comme Siré, qui fin ouvrir les autres l'esprit, fin montrer les autres comment il y a pour désobéir à Allah avec nos richesses. Donc, chers frères et sœurs, prends beaucoup de précautions, n'a pas mal servi nos richesses, n'a pas place nos richesses dans désobéissance à Allah, faudrait pas qu'il nous servit nos richesses pour montrer du monde comment il y a besoin de désobéir à Allah, sinon nous vous mérite punition d'Allah. Dans le hadith dans Tirmizi, rapporté que sahabi Anas ibn Malik est en dire « La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil khamri ashara » Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il peut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin fait malédiction pour 10 dimoun en rapport avec divin. Anas ibn Malik peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait malédiction pour 10 dimoun en rapport avec divin. Parmi ces 10 dimoun là, il mentionne celui qui a acheté divin là, celui qui boit lit et celui qui donne dimoun boit lit. 3 dimoun parmi ces 10 là qui mentionné dans ce hadith là qui mérite malédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a acheté divin, celui qui boit et celui qui fait les autres dimoun boit lit. Qu'il y soit, les pédons soient invités, ou bien son camarade kafir, ou bien dans l'occasion mariage, ou bien dans l'occasion de la fin de l'année, ou n'importe quelle occasion. Ça dit moun, qui peut faire un autre dimoun boit divin là, lui aussi, lui mérite malédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, get un dimoun avec seul argent, il y a la stèque de choses qui peut faire lui une malédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « La tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wa la surah » Dans ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire « Ben 11 parents dans la case qui est dans l'ichien, ni dans la case qui est dans la poterie. » Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire Ben 11 par entrée dans un lacaz qui n'a l'icien, ni dans un lacaz qui n'a poutré. Qu'il y soit poutré acteur ou sans terre, ou bien poutré ministre ou bien les maires, ou bien poutré la sirène ou bien n'importe qui footballeur, ou bien poutré telle danseuse ou bien telle danseur, tout ça ben l'argent qui dépensait pour gagner sa ben poutré là, pas pour profiter de sa dimoun là. Parce que sa bande poutre là empêche 11 rentre dans la case d'un musulman. Ça veut dire quand 11 par entrer, c'est Shaitan qui peut rentrer. Et quand Shaitan rentre, pour un fracas et pour un désordre. Et peut-être après, pour besoin dépense plus beaucoup l'argent, pour pousser Shaitan qui vient rentrer dans sa case là. Mais par contre, n'est-ce pas Shaitan pour sortir tout de suite, ou bien après qu'il vient faire beaucoup fracas, après qu'il vienne faire ben, dimoun dans la case souffert beaucoup, les lacs les poussent aussi. Donc, un musulman, il n'y pas dépense l'argent pour inviter Shaitan dans la case. Un musulman, il prend précaution beaucoup pour placer l'argent que Allah vienne permettre lui, et il n'y pas place l'argent d'une façon qu'il est même pour souffrir dans sa dunya là et dans l'akhirat. Dans le hadith dans Tirmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu aynin zaniya. Par sa parole là, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qu'il lisait aussi commettre l'adultère. Lisait aussi commettre zina. Comment? Les lisiers là guettent une jeune fille ou une madame avec un habillement haram. Donc, servir l'argent pour acheter l'habillement haram, c'est pour faire dimoun la même regretter. Dimoun la même qui vous gagne punition. Celui qui ne service au casse pas ten l'abîme haram, les limites à l'abîme haram là, il gagne péché, et tout ben homme qui peut guetter avec ça l'abîme là, ben homme là aussi peut gagner péché. Donc, un musulman, il n'y pas mettre sur l'argent dans quelque chose qui peut faire, il gagne punition. Servir l'argent pour acheter ben l'abîme haram, l'abîme ben majorette, l'habillement artiste, l'habillement mouchil qui est un kafir, un qualité l'habillement qui est un kafir appelé costume de bain, tout ça bonne qualité l'habillement là, tout ça bonne la mode là, ça bonne la mode qui ban qui peut na iman qui content mettre ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content ça bonne qualité la mode là. Même qui ban là, même qui ban kafir, même qui ban kafir qui peut mettre sa ban l'habillement là, je dis qu'ils ont pu couvrir, ils ont l'écho, mais seulement ils ont indécent, ils ont séduisant, ils ont excite ban zom. Allah pas content qu'il y ait un musulman. Allah pas content qu'il y ait une petite fille, une madame musulmane couvert sur l'écho, comme à sa ban qui peut gagner belle titre, la sirène, la reine, miss, star, athlète, etc. L'argent qui servit pour acheter sa banque a été l'habillement haram là, ça l'argent a peut mal servi. Dimouna pour regretter, pour souffrir. L'eau la terre même, et aussi après la mort, les dimouna pour tout seul dans ce tome. Donc, une madame musulmane n'est pas pour servir sur l'argent pour acheter ça qui a été l'habillement qui pour faire les punition, qui pour faire les souffrir dans Dunia et dans Akhirat. Dans Surah 7, ayat numéro 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al musrifin » Allah ta'ala peut dire dans sa ayat là « Mangez et boire et n'a pas dépasse limite. » Certainement, Allah pas content ban qui dépasse ban limite. Allah Ta'ala peut dire dans sa ayat là, manger et boire et n'a pas dépasse ban limite. Certainement, Allah pas content ban qui dépasse ban limite. Une de bonne signification de n'a pas dépasse ban limite, c'est manger, boire quantité qui est nécessaire. N'a pas fait gaspillage dans manger, boire. N'a pas préparé une quantité manger qui est tout ban dimoun dans la case, une fini manger. Des trois l'assiette pour besoin alzété. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut défendre ce ban serviteur pour faire gaspillage dans manger bois. Mais, pas gaspillage dans manger bois seulement qui Allah fin défend nous. Mais aussi, pour tout ban faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, il ne faudrait pas qu'il nous fasse gaspillage. Dans Surah 17, ayat numéro 26 et 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تُبَذِّرْ تَبِذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا » Allah ta'ala peut dire « N'a pas fait gaspillage. Certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère de ban Satan. » Et Satan, il est ingrat envers son Rab. C'est-à-dire, Satan est ingrat envers Allah. Allah Ta'ala peut dire dans sa ayat-là, certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère de ban Satan. Et Satan est ingrat envers son Rab. C'est-à-dire, envers Allah. Donc, un musulman, il n'est pas fait gaspillage dans Asté quand c'était linge. Il n'est pas fait gaspillage dans acheter quantité meuble. Il n'est pas fait gaspillage dans quitte chose qu'Allah Ta'ala fin de nid. Mais il prend beaucoup de précautions pour place sa richesse, pour place sur l'argent d'une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala content. Chers frères et sœurs, ce qui Allah, nous seul créateur, fin fait nous connaître, c'est la vérité. Ce qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaître, c'est la vérité. Tout ban qui n'accepte la vérité qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin amené, ban vérité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait nous connaître, ça ban dimoun azo pour profiter dans dunya et aussi après la mort. Et ban dimoun qui pas accepter la vérité qui sorti contre Allah, la vérité qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaître, ça ban dimoun là, azo pour regretter. Zot pour souffrir, zot pour gagner punition d'Allah, parce que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il fait nous connaît, c'est la vérité, nous besoin accepter li, si vraiment nous croire dans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith dans Tirmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, La tazoulu qadama abdin, les deux pieds un serviteur n'a pas pour avancer, c'est-à-dire il n'a pas pour bouger, Là, il peut présenter devant Allah au Qiyamah. Se délipier par boubouzé, hatta yus'al, jusqu'à qu'il y pour être questionné. Jusqu'à qui pour poser des questions. Après ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne cinq petites choses qui s'évitaient là et n'a pour une réponse avant de les déplacer. Dès dans sa cinq questions là, concernent du bien sa dimoun là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant ce du bien, comment il fin gagne li et quand il fin dépense li. Des questions qui s'évitaient d'Allah et n'a pour répondre, jour qiyamah, parmi les autres bonnes questions, comment il y a qui ban moyen qui lui fin servir pour gagner sa l'argent là, pour gagner sa richesse là. Et quand lui fin place sa l'argent là, quand lui fin place sa richesse là. Ça a des questions parmi les autres questions qui s'évitaient d'Allah et n'a pour répondre au Qiyamah. Si lui fin fait bonne réponse, c'est lui-même qui bougue, lui-même qui bougue une récompense d'Allah. Si il fait bonne réponse, oh Allah m'a fait servir tout bon moyen halal. Oh Allah m'a fait prendre précaution pour servir six bon moyen halal, mon évite bon moyen haram pour gagner sa l'argent là. Oh Allah m'a fait place li que tu fais ma connaître, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait ma connaître. Si ça dit mouna fait une bonne réponse, c'est lui-même qui pour gagner au Qiyamah et il pour gagner récompense d'Allah. Mais si il peut faire bonne réponse qui peut faire lui-même regretter, c'est lui-même qui peut souffrir jour Qiyamah. Et alors, chers frères et sœurs, nous disons, j'étais un coup d'œil dans le passé pour nous guetter qui bon moyen qui nous finit servir pour nous gagner nos l'argent. Si bon moyen là, halal, eh bien, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si, fin arrivé dans le passé, nous fin servi ban moyen haram, il n'est pas trop tard, chers frères et sœurs, pour nous arrêter avec sa ban moyen haram là. Comme ça, même si nous trouvons, nous fin dépenser une bonne quantité, nous l'argent, une bonne partie dans nos richesses, dans désobéissance à Allah, dans faire d'immune désobéir à Allah, il n'est pas trop tard pour nous arrêter, dépenser nos argent dans sa façon-là.